Section 89 de la lecture, tome 3e. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. La lecture, tome 3e, section 89. Croquis de Mars par Gustave Geffroy. Chapitre 5. Sur la côte bretonne. En hiver. Après quelques jours tièdes, le mauvais temps est revenu. Du brouillard qui cachait les horizons de mer, de rochers, de collines, sont sortis des tourbillons de neige et des ondées de grêle. Une brise aigre a creté d'écume les lames qui n'étaient hier encore que de longues ondulations. C'est l'annonce obligée de notre ordinaire printemps de France, hostile aux bourgeons des lilas et aux branches fleuries des vergers. Les pluies et les bourrasques d'équinoxe ne sont pas plus désagréables à supporter dans les rues étroites de Saint-Malo que dans les larges voies de Paris. N'empêche que la plupart de ceux qui sont venus pour voir de grosses vagues se hâtent de reprendre le train à l'apparition des flocons blancs et des grelons qui tintent aux vitres. Il faut bien les imiter lorsqu'on est venu entre deux journées de travail. Mais celui qui passe sa vie à mettre du noir sur du blanc a un moyen de prolonger sa sensation de grand air et de liberté. C'est de remettre au net, en les développant, les notes prises au hasard des courses et des arrêts. Voici donc deux de ces notes, rapides comme des études de peintre, vite enlevées, en profitant d'une heure et d'un effet. Au lieu de lignes et de couleurs, la plume essaye de rendre les physionomies morales des villages traversés et des êtres aperçus. Il sera toujours bien temps de décrire et de commenter l'actualité parisienne, qui revient toujours la même, tous les ans, pour ne pas dire toutes les semaines. Paramé. Il serait dommage de ne pas voir Paramé, pour s'enlever à jamais la pensée d'y aller faire un séjour, un moment comme celui-ci est bien choisi. Pendant la saison, il doit être difficile de passer sur la plage occupée par les chaises et les guérites, sur les quais encombrés par le personnel du boulevard en représentation. En ce moment, tout est fermé, le bourg est désert, les baraques des coiffeurs et des petits marchands font songer à un campement déserté. Il y a dans les rues l'odeur et les échos des villes mortes. C'est en hiver qu'il faut voir ces stations tant vantées pour se faire une idée de la laideur des choses que construisent sans fin les architectes chargés de décorer les grèves et de loger les villégiatures. Vraiment, ceux qui ont passé par ici s'y entendent. C'est simplement épouvantable. De loin, quand le soleil fait briller les plâtres, les zincs et les ardoises des maisons neuves, on se demande déjà quelle ville étrange impose cet alignement à ce beau paysage d'eau, de ciel et de sable. On approche, les détails se précisent, on marche pendant un kilomètre devant la plus stupéfiante réunion de cafés, de pavillons, de caravansérails. Les plus incommodes dispositions, les ornementations les plus baroques, ont été choisies. Toutes les lignes qui avancent des saillies sans signification, toutes les couleurs violentes en désaccord avec l'atmosphère et l'eau, ont été préférées par les familles désireuses d'affirmer leur goût jusqu'alors réprimé. La terrasse, si peu faite pour ce pays de pluie, le léger kiosque, si mal résistant aux vents d'ouest et de nord, ont été particulièrement affectionnés. Des portiques ont été plaqués aux façades, des serres en verre de couleur ont été adjointes au jardin, jugées insuffisantes. L'un a voulu un chalet suisse, dont les bois découpés doivent intercepter toute lumière. L'autre a imaginé une bâtisse de briques et de pierres de taille, qui semble une caserne pour la garde républicaine. Un autre a voulu une espèce de fausse habitation chinoise, couleur lie de vin, dont le sommet supporte de gros oignons, emprunté au pavillon du prince de Galles à l'exposition de 1878. Un autre encore a donné à sa retraite paisible l'extérieur de la bourse. Partout des escaliers de marbre, des cartouches dorées, des bancs de square, des vases d'établissement de bouillon. C'est la maison à perron et à marquise, la pelouse à statuettes et à boules de jardin, le bassin à rocailles et à poissons rouges, des environs de Paris qui ont été transportés ici, agrandis, portés à leur centième puissance, dressés comme des monuments imbéciles en face des rochers sourcilleux. Une seule maisonnette blanche et grise, qui disparaîtra sans doute, parle de tranquillité bourgeoise, de repos mérité, de rêverie heureuse. Tout le reste est lourd, prétentieux, éveille l'idée de l'argent vite gagné et des prospérités sans lendemain. Avec le café, on peut trouver le cercle et aussi le théâtre. Tous les travaux en train, tous les écriteaux appendus, parlent de spéculation, proclament l'installation du plaisir, surveillée par des hommes d'affaires. S'il est vrai que la mer se fâche parfois, elle pourrait bien un jour jeter des pierres et cracher de l'écume sur ses laides façades en bordure sur le rivage. Aujourd'hui, elle murmure à peine, elle s'avance avec des airs perfides. Elle vient lécher les murs et les rez-de-chaussée des maisons de ses vagues traîtresses. Cancale. Il y a un peu plus d'une heure de voiture de Paramé à Cancale, mais il semble qu'on ait parcouru des espaces énormes quand on débouche sur le quai de la houle, tant ce qu'on voit ressemble peu à ce qu'on vient de voir. Après avoir traversé les champs, marchez au long des jardins qui toujours vous arrêtent et vous prennent par leur charme d'intimité. Descendu la longue rue, on se trouve au milieu du village de pêcheurs, devant les maisons à grands toits, à petites fenêtres qui regardent la mer. Le port est à sec. Des centaines de bateaux sont tenus sur leurs quilles ou couchés sur le côté. L'un d'eux est resté en suspens, sur la pente de la jetée. Il restera là jusqu'à la venue du flot, qui s'en va encore, lentement, découvrant peu à peu les parcs réguliers, entourés de piquets. C'est l'heure où tout le village descend sur la plage, entre dans les sentiers, s'en va au loin chercher des huîtres, les trier, les laver pour les marchands. Voici les premières femmes qui arrivent, qui descendent l'escalier près du feu. En voici d'autres, puis d'autres encore. C'est un défilé interminable, bruyant, cadencé, le bruit des pas coupés de paroles et de rires. Il était facile de prévoir le spectacle, et pourtant, il se mêle un peu de stupeur à la constatation. À Paramé, la convention de l'architecture. À Cancale, le mensonge de la peinture. Vous les avez vus au salon, dans les expositions de cercles, au musée du Luxembourg, les Cancalaises qui vont à la pêche ou qui en reviennent, les Cancalaises occupées à des ablutions après le travail, les Cancalaises rêvant au haut d'une falaise. Vous les avez encore dans les yeux et dans la mémoire, ces fillettes élancées, en petits bonnets, pieds nus ou en sabots fins, des fichus coquets au cou, un bonnet de dentelle sur la tête. Vous songez à leurs mains délicates, à leurs coiffures de paysannes endimanchées, à leurs allures rythmées de choristes opéra comique. Allez les voir à Cancale. Regardez passer les tragiques vieilles, les filles fanées, les enfants tristes, dans leurs haillons de laine, entassés les uns sur les autres, des mouchoirs sur la tête, des tricots de marins sur le dos. Écoutez les marchés d'un pas lourd, appuyés, qui enfoncent dans la grève ou clapotent dans l'eau. Elles ne portent pas les petits sabots à bouffettes de ruban. Elles sont chaussées jusqu'au-dessus du genou de grosses bottes, à tiges de cuir, à pieds de bois, des bottes formidables, plus hautes que des bottes de cavalier, plus épaisses que des bottes d'égoutier. Et pas un des peintres qui sont venus passer des années entières à Cancale ne les a représentées ainsi. C'est à croire que nul ne les a regardées, que tous ont travaillé sur des photographies de figurantes. Tous ont inventé un dessin, une couleur, ont signé de faux portraits, ont témoigné contre la vérité, tous, sans exception. La Cancalaise est encore à peindre, dans le paysage d'eau et de pierre, où elle se courbe sur sa tâche, dans la boue blanche comme de la cendre, où elle marche à grands pas, dans les parcs où elle fouille à plein bras, avec du goémon et de la fange jusqu'aux épaules. Oui, quelques-unes sont belles parmi ces rudes ouvrières, quelques-unes ont le profil régulier, le sourire énigmatique et le regard profond. Quelques-unes font songer au sexe caché sous ses cuirs et ses laines, traînés dans ses pierres et ses boues. Mais cette beauté et ce sexe n'ont pas été sentis et traduits par les peintres à la mode, qui ont dressé les poupées attifées à la place de ces femelles mélancoliques, qui ont copié les éternelles grimaces des coquettes souriantes au lieu des rires nerveux qui montent tout à coup au visage rose de Grantaire et de la fièvre de la puberté. Le défilé des vieilles, des femmes, des filles, des fillettes peut continuer. Il n'y a pas encore eu Dieu pour le voir. Fin de la section 89, lue par Margot. Fin de la lecture, tome 3e.